BFM, c'est pas dans la dentelle, Aerosmith. Oh, merci, c'est gentil, je me fais toujours surprendre. Extrait de leur dernier album, Get a Grip, c'est Hit the Rich, un titre qui casse du sucre sur le dos des gens riches. Et quand on leur dit qu'en fait ils font aussi partie de cette catégorie, ils répondent simplement que non, on a tout juste de quoi vivre et encore, c'est juste les fins de mois. Ils sont gentils. Quoi qu'il en soit, ils seront avec RFM en concert à partir du mois de novembre, le 8 à Paris-Bercy, le 21 novembre à Amnéville, juste à côté de Metz. Pour l'instant, ils sont en tournée aux États-Unis, ils le seront ensuite au Canada, ils viendront après en Europe et donc au mois de novembre en France. Voici, oh, chanson de cantine, les DJ's Band. Vivre FM, un gros morceau de chamallow entouré d'un morceau de dentelle, le tout ça sur un pic à glace. En clair, c'est du slow fait par des hardeux. Metallica avec Nothing Else Matter et on a eu auparavant les Gigi's Band Centerfold. RFM présente le Biarritz Surf Festival. Du 19 au 25 juillet, les meilleurs surfeurs de la planète prendront la vague pour le Quicksilver Longboard Classic. Venez rencontrer les légendes vivantes pendant la nuit hawaïenne. Découvrir le musée du surf et les plus beaux films de glisse. Le Biarritz Surf Festival du 19 au 25 juillet avec RFM. RFM, elle vous fait surfer. Mer ou montagne, train ou voiture. Oh, c'est les vacances, alors fini les décisions graves. Vous voulez passer l'été en toute liberté? Alors louez une voiture Europcar Interrent. Pour vous, Europcar Interrent a créé un forfait route vacances tout compris. Kilométrage illimité et toute assurance incluse. Et tout l'été, Europcar Interrent vous propose des services spécifiques et des tarifs compétitifs. Je choisis une Twingo, une climatisée ou une décapotable. Europcar Interrent, renseignements et réservations auprès de votre agent de voyage ou au 30 43 82 82 à Paris. Planche Mag, le magazine de la planche à voile, présente In Extreme Glisse, le son de toutes les glisses sur RFM. Salut, c'est Fabrice Lécuyer. Nouvelle formule 100% planche, le spécial été de Planche Mag vient de sortir. Biarritz, capitale du surf, du 19 au 25 juillet, les légendes vivantes vous donnent rendez-vous à l'occasion du Biarritz Surf Festival. In Extreme Glisse fête l'été et vous offre des surfs, des bodyboards, du surfwear. Pour en savoir plus, 3615 RFM. L'actualité de la glisse, c'est dans In Extreme Glisse, tous les samedis et dimanches à midi sur RFM. Help me.

fille qui m'appelle. Elle n'arrête pas à me rappeler, me rappelle sans cesse que si je la délaisse, oh oh, elle fera un malheur, oh oh oh, elle tuera mon bonheur, oh oh oh oh, elle m'arrachera le cœur et criera sur les toits tout ce qu'elle sait de moi. Elle n'arrête pas à me rappeler, me rappelle sans cesse que si je la délaisse, elle fera un malheur, elle tuera mon bonheur, elle m'arrachera le cœur et criera sur les toits tout ce qu'elle sait de moi. Il est 21h, l'essentiel de l'actualité avec Alexandre Korosek. Bonsoir, la police a lancé un avis de recherche après la disparition hier après-midi d'une fillette de 3 ans et demi au Havre. La fillette a été vue pour la dernière fois jouant dans un square. La police a mobilisé une soixantaine d'hommes, mais les recherches n'ont pour l'instant rien donné. Pierre Méhaignerie souhaite que le procureur de Valenciennes, Éric de Montgolfier, revienne à un mode de communication plus habituel avec la presse. Déclaration du directeur de cabinet du ministre de la Justice après un entretien avec le magistrat Éric de Montgolfier. Ce dernier s'était vu reprocher de trop parler à la presse au sujet de l'affaire Valenciennes OM. François Mitterrand et le gouvernement ont nommé un groupe de 7 experts sur les essais nucléaires. Ce groupe, présidé par le chef d'état-major des armées, Jacques Langsade, doit réfléchir aux conséquences du moratoire sur les essais sur l'armement nucléaire français. Un rapport devra être remis à l'automne. Édouard Balladur, le Premier ministre, a confié une mission à Brice Lalonde. Le président de Génération Écologie est chargé d'une mission d'études et de propositions sur les relations entre la protection de l'environnement et le commerce international. Il devra remettre son rapport, lui, avant la fin novembre. La Bosnie, 8 Jaguars français ont quitté la base aérienne de Toul pour l'Italie. Ces chasseurs-bombardiers pourraient participer à d'éventuelles missions d'attaque au sol en Bosnie pour protéger les casques bleus et les zones de sécurité de l'ONU. 2000 partisans du général Haïdid ont manifesté ce matin à Mogadiscio, en Somalie. Ils entendaient protester contre l'attaque de l'ONU de lundi dernier qui s'était soldée par de nombreuses victimes. De son côté, la France a réaffirmé son soutien aux opérations des Nations Unies en Somalie. Le Tour de France, Miguel Indurain est toujours en jaune à l'issue de la 11e étape. L'Espagnol a terminé 2e à Isola 2000 à l'issue de 180 km de course. La victoire d'étape, Serre Chevalier Isola, revient au Suisse Tony Rominger, déjà vainqueur hier. Et puis je profite de cet instant qui m'est donné pour saluer mon confrère Laurent Grollet, célèbre journaliste de Nostalgie, vous le savez, qui est papa depuis ce soir. Son épouse vient de mettre au monde un petit garçon, un garçon de plus de 3 kilos. Il s'appelle Julien. Alors bien entendu, Laurent, toutes nos félicitations. Denis, vous allez vous associer à moi, bien entendu. Bah écoutez, attendez, je ne suis pas le seul. Mais attendez, parce qu'on est en plus, on y est pour beaucoup. Oh là là. Ça y est, elle est pour la paix. Ça, c'est une révélation. Annie est pour la paix des ménages. Non, on félicite aussi la maman, hein, bien sûr. Bien entendu. Un gros bisou à toute la famille, puisque maintenant, ils sont trois. Voilà. Eh bien, on l'embrasse très très fort. Et puis, on t'embrasse très très fort, Laurent. On se permet de se tutoyer ce soir parce que c'est un événement important. Oui, c'est Julien Clerc ? Eh ben oui, Julien. Ah oui, d'accord, excusez-moi. Vous êtes bête, mais... Denis, quand vous vous y mettez. Oh là là. Non, excusez-moi, je ne l'ai pas percuté. Excusez-moi. Félicitations quant à vous, Alexandre. Bien sûr, on vous retrouve tout à l'heure à 22h. Oh, c'est émouvant, hein, c'est vrai. Hein, ça nous fait tout drôle. C'est drôle, hein. C'est vrai, ça nous fait tout drôle. Il faudrait peut-être qu'on s'y mette aussi, nous. Hein. J'aurais pas pu en faire autant. Il serait temps. Tiens, Julien Clerc pour notre petit Julien. Malade traverse le marécage avec son balai brisé à la main. Les petits oiseaux sauvages lui servent de petits pages. Conduisent là-bas vers le ruisseau. Comme toi, dans sa main, elle conserve son chagrin qui fleurit comme un jardin de blé noir. Un braconnier porte de petites bêtes mortes qui ressemblent à mon amour. Mon amour, elles ont du plomb dans mes ailes, dans mes flancs et la cervelle. Cache la nuit, toute la nuit, comme toi, loin de moi, elles ont désormais trop froid. La petite sorcière est morte. Dans ma vie. nostalgie partout en France. Je tombe de plume, mon amour dort encore du sommeil de l'enclume. Je la laisse à ses rêves où je ne suis sûrement pas. Marlon Brando l'enlève, qu'est-ce que je foutrais là? Sur un cheval sauvage, ils s'en vont ridicules. Dehors y a un orage, ils sont mouillés, c'est nul. Moi j'affûte mes gaules pour partir à la pêche. Musette sur l'épaule, saucisson, bière fraîche. Quand le soleil arrive, mon amour se réveille. Le cœur à la dérive, les yeux pleins de sommeil. Téléphone à sa mère, qui est sa meilleure amie. Paroles éphémères et tout petits soucis. J'aimerais bien entendre ce qu'elle dit de moi. C'est sûrement très tendre, enfin bon. Je plante mon hameçon tout en haut d'une branche. Je tire sur le nylon, me ruine une phalange. Le jour avance un peu, mon amour se maquille. Un œil et puis les deux, c'est futile mais ça brille. Qui veut-elle séduire? Je suis même pas là. Je me tue à lui dire qu'elle est mieux sans tout ça. Que ses yeux sont plus clairs quand ils sont dans ma poche. Et que vouloir trop plaire, c'est le plaisir des moches. Moi je sors une truite d'au moins 120 kilos. J'ai pitié trop petit, je la rejette à l'eau. Je reviens les mains vides. Trop de vent, pas assez. L'eau était trop humide. Alors je rentre chez moi, triste comme un menhir. Mais personne n'est là pour m'entendre mentir. Mon amour est parti pour toujours. J'ai perdu mon amour, j'ai perdu ma vie. Dimanche, si je peux, la gamine, sans mêler dans les branches, à la pêche, à la ligne. J'emmènerai dimanche, si je veux, la gamine, sans mêler dans les branches, à la pêche, à la ligne. La tendresse de Renaud pour se retrouver ce soir et la pêche à la ligne. Peut-être justement que cette pêche à la ligne, bien depuis quelques jours, vous en profitez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Dans un instant, Phil Barnet, Céline Dion avec un extrait de Tycoon, c'est-à-dire celui-là, en fait, la version anglo-saxonne de Starmania, sans oublier JJG, Jean-Jacques Goldman. Après son triomphe à l'Olympia, Harry Connick Jr. revient à Paris pour trois concerts exceptionnels, les 1er, 2 et 3 octobre au Théâtre des Champs-Élysées, avec M6 et Libération. Harry Connick Jr. au Théâtre des Champs-Élysées, un spectacle nostalgie. Location point de vente habituel ou au Théâtre des Champs-Élysées au 49 52 50 50. 49 52 50 50. Le soleil, c'est chaud. C'est bon le soleil sur la peau. Le soleil, ça rend même heureux. Cet été, le soleil a rendez-vous avec Nostalgie. Où que vous soyez, Nostalgie vous offre 5 secondes de soleil en plus. Regardez bien votre poste de radio. Dès l'apparition des premiers rayons, gagnez des cadeaux soleil. 5 secondes de soleil en plus sur Nostalgie pour bronzer tout l'été. Ma, c'est l'été pour tout changer chez But. Bien sûr que c'est chez But l'été pour tout changer. Oh, quel baratineur. C'est maintenant qu'il faut. Même que j'ai envie de craquer pour la banquette Lee 100% coton à 1690 francs. Ouh là là là, je vais craquer, c'est sûr. Pendant l'été, pour tout changer chez But. 1690 francs la banquette Lee chez But. Ça donne envie de s'allonger, non? Alors, Karina, on y va? Oh, c'est qu'il me prend au mot, là. Boum, boum.

call him Ziggy. I'm so hot for him. He's not at all like all the rest, but he's held out and he's the best. Even if I know he would never go with me. Thank you. Sa vie c'était douceur, rêve et nuages blancs. D'autres gens n'avaient décidé autrement. Elle avait tes yeux clairs et elle avait ton âge. C'était une petite fille sans histoire et très sage. Mais elle n'est pas née comme toi ici et maintenant. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Hommage à un peuple, Jean-Jacques Goldman, ce soir sur Nostalgie avec Comme toi. Vos fréquences vacances, votre fréquence vacances par exemple, pour vous qui allez suivre Nostalgie dans la région de Laval, eh bien vous nous écoutez sur 104.5 ou encore à Limoges sur 100, oui, pour aller voir la Tati quand même. Comme dans un rêve, on chante, on chante, on chante. La vie chante, elle fout des enchantes. On cherche, on cherche et la vie passe. Ma vie de recherche, ce doit être ça qu'il nous faudrait savoir quand on est au départ. On bouge, le monde est là tout bleu, là-bas tout rouge, on pousse, les idées prennent de grandes secousses, tout tremble, et les révolutions tombent en cendres, ce doit être ça qu'il nous faudrait savoir. Du grand départ, on danse, et la danse vous prend, et le cœur et l'essence. On aime, on aime, et toute la vie vous aime, tout l'instant où l'on aime. On pleure, l'amour vous emporte, la moitié du bonheur, alors on cherche, et la vie passe, ma vie te recherche alors. On rêve, et la vie passe comme dans un rêve. On meurt, les yeux s'endorment, là où naissent les fleurs. Ce doit être ça qu'il nous faudrait savoir quand on est au départ. Mais ce serait vraiment trop demander à cette petite seconde tante qui nous a inventé. Sarah D'Armentaux sur Nostalgie ce soir, on rêve, Irai à l'Orient, embrasser les tsarines, manger les bateliers. Même si l'hiver est grand, l'icône à Lénine, cœur des armées, pays rempli d'or, pays d'outre idée, j'irai. Là où sont les amants quand l'amour se résigne, triste et mal caché. Je les entends, mémoire qu'on mutile, tout homme d'orgue, tout vivant silence, tout vivant. Alexis. Simone.